vers le Magic City. C'est aussi le paradis. Dans les moiteurs andalouses, c'est le jeu, l'amour, le blues. Chaque soir, Anna fait voler mon cœur en éclats. Dans un bar Magic City, je respire sa peau de soie. L'enfer de Magic City, c'est quand derrière le comptoir, patron a une main qui traîne, tandis qu'Anna sert à boire. Chaque soir, Anna est dans le collimateur. On abuse toujours des mêmes, surtout quand le chômage fait peur. Moi je rêve de l'emmener loin sur une île où il n'y aurait qu'elle et moi. L'enlever à ce vicieux s'il est si vieux. Lui dire que l'amour c'est parole d'évangile, qu'elle aura tout ce qu'elle voudra. Fini l'enfer de... Plus folle des nuits de folie. Le bagne un jour on oublie. L'enfer de Magic City, c'est parfois le paradis. Un âme folle en passant, je sens son corps caressant. Je sais qu'un âme moi mieux qu'un sentiment. Mais le patron a cassé, a vite fait de la tabasser. Moi qui rêve de l'emmener loin, j'ai déjà vendu mon appart et ma tille. Et sur un seul modèle, on se fait la belle. Le vieux changea de nana, plus d'Anna, et qu'il crève de nous voir partir, laissant derrière nous